Bonjour Tiffaine, les auditeurs vous retrouvent demain pour un nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho et de notre côté c'est à Milan Kundera que l'on continue de s'intéresser aujourd'hui. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La compagnie des auteurs épisode 4 avec un dernier numéro consacré à l'écrivain franco-tchèque Milan Kundera. Raconter la vie de Milan Kundera serait s'exposer à sa fureur, lui qui pense que les écrivains ne devraient publier que sous pseudonyme pour éviter à la fois la graphomanie, l'interprétation biographique de l'œuvre et puis l'agressivité dans la vie littéraire. Tout juste admet-il de distinguer publiquement deux moments de son existence, sa vie en République tchèque jusqu'à l'âge de 50 ans, puis son exil à Rennes où il sera quelque temps professeur de littérature, comme nous l'avons vu lundi avec François Ricard lors de notre émission introductive. Et puis mardi, nous avons parlé de la théorie littéraire selon Milan Kundera, au cours des trois cycles qui composent son œuvre, le premier en Tchécoslovaquie, le second en France, mais dans sa langue natale, et puis le troisième, toujours en France, mais écrit directement en français. Mon invité était Martine Boyer-Weinmann. Enfin, hier, c'est un intime de Kundera qui est venu nous parler de sa vision de l'amour, puisque je recevais Alain Finkielkraut, auteur du livre « Et si l'amour durait ?», issu d'une conférence sur ce thème de l'amour dans les romans de Kundera. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, après la chronique d'Olivier Barbaran, nous serons rejoints par l'écrivain François Taillandier qui viendra nous parler des perspectives que la découverte de Kundera lui a ouvertes en tant qu'écrivain. Mais pour commencer, nous sommes en duplex avec vous, Hélène Batty de Lalande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature à l'université Paris Diderot et puis vous êtes l'auteur d'une histoire littéraire du XXe siècle que vous avez publiée chez Armand Collin en 2013. Vous avez également écrit sur l'engagement chez l'écrivain Roger Martin Dugard. C'est précisément sur la question de l'engagement que nous aimerions discuter avec vous, mais de l'engagement évidemment chez Kundera, puisque vous êtes aussi l'autrice d'un texte intitulé « Kundera et l'engagement sartrien, principe du reniement d'une idiotie entre guillemets incontournable », publié en 2009 dans le volume « Désaccord parfait » aux éditions Elug de l'Université de Grenoble. Alors on va commencer tout simplement par la première question qui s'impose, même si on en connaît déjà un peu la réponse, mais évidemment vous allez nous détailler cela. Kundera est-il ou non un écrivain engagé, Hélène Batty de Lalande? Alors non, évidemment. Vous avez parlé d'idiotie dans mon titre tout à l'heure. L'idiotie, c'est le terme que Kundera emploie à propos de la notion d'engagement. Il parle aussi d'abêtissement général, de conformisme de la pire espèce. Donc pour lui, l'art engagé ou le romancier engagé, ce n'est plus de l'art, ce n'est plus du roman. Et tout le paradoxe, c'est que la situation de Kundera dans la petite histoire de la réception de ses œuvres en France en particulier, a conduit à quelque chose qu'on pourrait caractériser comme une forgerie, une lecture idéologique qui est en réalité dictée par les circonstances. Kundera écrit assez tardivement, en 1996, qu'il est arrivé en France avec, je cite, « le destin dangereusement attractif pour les médias d'un écrivain mis à l'index dans son pays d'origine ». Donc tout s'est passé comme si finalement la situation de son œuvre, les conditions de publication et d'écriture de son œuvre avaient déterminé absolument sa réception, en tout cas jusqu'à la fin des années 90 en France. Alors avant d'aller plus loin, Hélène Batty de Lalande, je voudrais vous faire écouter une lecture par Guillaume Gallienne d'un texte justement de Milan Kundera dans lequel il explique un petit peu ce que ça signifie pour lui d'être un romancier, évidemment en rapport avec la question de l'engagement. Être romancier fut pour moi plus que pratiquer un genre littéraire parmi d'autres. Ce fut une attitude, une sagesse, une position excluant toute identification à une politique, à une religion, à une idéologie, à une morale, à une collectivité. Une non-identification consciente, opiniâtre, enragée, conçue non comme une évasion ou passivité, mais comme résistance, défi, révolte. J'ai fini par avoir ces dialogues étranges. « Vous êtes communiste, monsieur Kundera ?»« Non, je suis romancier. » »« Vous êtes dissident ?»« Non, je suis romancier. » »« Vous êtes de gauche ou de droite ?» Ni l'un ni l'autre, je suis romancier. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Kundera a dit dans une préface qu'il a écrite pour sa pièce Jacques et son maître, « Je suis un hédoniste piégé dans un monde politisé à l'extrême ». Que pensez-vous de cette formule, Hélène Batty de Lalande? Et puis plus généralement, que pensez-vous de cette lecture qu'on vient d'entendre? Alors, cette idée du piège, elle est très intéressante puisqu'elle permet de sortir d'une autre idée peut-être un peu fausse, un peu maladroite, qui est celle du malentendu. On aurait mal reçu Kundera. L'idée du piège, c'est vraiment une manière de penser en même temps la situation dans laquelle cette œuvre s'écrit et est reçue, et puis en même temps l'idée que Kundera doit lutter contre ses lectures idéologiques et contre l'idée qu'il y aurait toujours ce qu'il appelle une intention préfabriquée. Pour lui, l'engagement, c'est cela, une intention préfabriquée. Et finalement, dans l'art du roman, dans les testaments trahis, dans ses essais de manière générale, il doit lutter contre cette idée qu'il n'est pas engagé, cette non-identification consciente, opiniâtre, enragée, voilà, mais tout en renversant la valeur de cette non-identification, ce refus du politique, qui n'est pas une indifférence, qui n'est pas une faiblesse, mais qui est effectivement une résistance, un défi, une révolte. Puisqu'il s'agit finalement, à travers du roman, de retrouver ce qu'il appelle l'incalculable, lutter contre les systèmes abstraits et finalement ne pas se contenter des évidences, d'une vision de l'histoire qui serait kitsch, de ce qu'il appelle l'illusion lyrique. Mmh. Et en même temps, on peut se demander si ça n'est pas cet hédonisme piégé dans un monde politisé à l'extrême, une espèce d'individualisme qui pourrait confiner à l'égoïsme. Est-ce qu'on peut se poser la question comme ça, selon vous, Hélène Batty de Lalande? Alors, il me semble que la manière dont Kundera pense et pratique le roman contrarie cette idée-là. La multiplication des personnages, la complexité de la composition, tout cela finalement fait de son œuvre une sorte de kaléidoscope qui juxtapose des expériences du monde qui sont inscrites dans l'histoire et où finalement tout ce qui relève de l'intime, et en particulier l'amour, le plaisir, le désir, est une autre manière, est un autre terrain où se joue la liberté, mais aussi les déterminations, mais aussi les drames. Et donc, il y aurait une sorte d'homologie entre ce qui relève de l'histoire, du politique, et ce qui relève de l'intime. Donc, d'une certaine manière, cet hédonisme, cette sensibilité au monde, Kundera va l'explorer au niveau du personnage, qu'il place dans une diversité de situations, sans forcément traiter de manière systématique la représentation de l'histoire, les questions politiques, puisque finalement, cela finirait par revenir toujours aux mêmes valeurs, à des valeurs assez évidente, stéréotypée. C'est ce qu'on appelle l'idéologie, c'est ça? Ce que vous mettez sous le terme d'évidence, de pensée stéréotypée, est-ce que Kundera pourrait l'appeler l'idéologie? L'idéologie, l'illusion lyrique, une vision de l'histoire qui serait kitsch. Par exemple, il écrit dans Le Rideau, ça va peut-être rendre les choses un peu plus claires, « La liberté, l'indépendance, la démocratie, ou vous, sous un angle opposé, le capitalisme, l'exploitation, l'inégalité, oui, 100 fois oui, ce sont là des notions graves, capables de donner du sens à un destin, de rendre noble un malheur. » Voilà. Donc, oui, 100 fois oui, dit Kundera, ce sont des évidences, et ces évidences habitent, hantent même tous ces romans, même jusqu'au dernier. Mais ce n'est pas là l'enjeu propre du romancier. Ce qui compte pour lui, c'est la manière dont ces notions graves donnent du sens à un destin, sans forcément rendre noble un malheur. C'est cela qui, finalement, est déplacé dans le roman. C'est cela qui est évacué hors du roman. Le roman s'occupe d'autre chose, non pas restaurer un sens, donner une forme tragique à l'existence, mais plutôt essayer de restituer ce qui serait le propre de l'existence, l'incalculable, le basculement, le mystère, l'insaisissable, la complexité. Alors évidemment, la question de l'engagement, même si Kundera se situe à l'opposé de l'engagement dit sartrien, elle travaille quand même son œuvre, ne serait-ce que en contre. Et je crois qu'il faut parler justement un petit peu de Sartre, puisque vous-même vous le faites dans votre article, en réexplicitant un petit peu la conception du roman chez Sartre, tel qu'il l'a défini dans « Qu'est-ce que l'illittérature ?» Parce que ce que vous expliquez, Hélène Baptiste de Lalande, c'est que Kundera, lui, il semble sans cesse répondre à Sartre, comme si Sartre était finalement toujours présent, bien qu'en contre, dans l'œuvre de Kundera. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu avec vous sur la conception sartrienne du roman dans « Qu'est-ce que la littérature ?» Je crois qu'il y a une formule qui résume assez bien la prise de position de Sartre, c'est la prose se sert des mots, la poésie sert des mots. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette conception-là, Hélène Baty de Lalande ? Oui, alors la lecture que Kundera fait probablement, parce qu'il ne l'a jamais explicité directement, de qu'est-ce que la littérature repose justement sur ce basculement entre prose et roman. Sartre, dans Qu'est-ce que la littérature, finalement va évacuer la poésie qui pour lui est un genre, serait un genre inengageable, puisque l'objet, le terrain de jeu de la poésie serait d'abord et avant tout le langage, avant de viser le monde, bon, pour simplifier. Tandis que la prose serait un moyen de repolitiser le monde dans l'écriture et de dévoiler des injustices, des drames de l'histoire, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Kundera, la poésie est également, d'une certaine manière, évacuée assez vite dans son parcours d'écrivain, mais pour une raison qui est symétrique de celle de Sartre, finalement. La poésie, c'est le lieu du lyrisme, c'est aussi le lieu de la recherche de la beauté. Et Kundera explique que revenir à la prose, pour lui, et choisir le roman, c'est choisir la beauté dans la prose et ne pas, comme le suggère Sartre, voir dans la prose simplement un moyen de communication, un moyen de dévoilement qui serait finalement assez transparent à lui-même. Pour Kundera, la beauté peut être finalement atteinte dans la prose même. Mais vous avez raison, pour Kundera, l'œuvre de Sartre est sans doute une source d'inspiration qu'il ne renie jamais. Et on a parlé un peu de poésie, de roman, mais c'est aussi au théâtre que Kundera peut faire allusion. Il est l'auteur en particulier d'une postface, d'une édition tchèque du théâtre de Sartre, qui date de 1967 à peu près. Et Kundera est absolument fasciné par l'idée d'un théâtre de situation, l'idée que finalement l'histoire ou les questions politiques sont le fond sur lequel on peut saisir la vie, ses frémissements, ses surgissements. Et dans cette perspective, les romans de Kundera ne sont pas si éloignés de cette idée de situation sartrienne. Oui, Sartre, c'est un peu l'interlocuteur invisible, pourrait-on dire, de Kundera. Il y a aussi, d'un point de vue plus directement interpersonnel, peut-être pourrait-on dire, il y a eu des liens finalement entre Sartre et Kundera par préface interposée, par mention de l'un et de l'autre. Je crois que Kundera a défendu Sartre quand Les mains sales ont été mal reçues en Tchécoslovaquie parce que considérées comme anticommunistes. D'un autre côté, Sartre a cité à un moment donné Kundera comme étant l'un des écrivains tchécoslovaques les plus importants. Donc c'est tout de même étrange cette relation de défiance et en même temps d'un très grand respect, on a le sentiment, Hélène Batty de la Lande. Oui, alors effectivement, Sartre évoque à plusieurs reprises Kundera dans un texte qui a beaucoup marqué à l'époque, hein, Le socialisme qui venait du froid, texte qui sert de préface à un livre d'entretien sur les écrivains tchèques en 1970. Mais il y a là un effet d'époque, une plaisanterie de l'histoire, hein, comme dirait Kundera. Finalement, c'est au moment où Sartre ouvre véritablement la porte toute grande à une grande réflexion des intellectuels sur la dissidence au début des années 70, que Kundera va entamer ce long parcours qui va l'éloigner de cette posture-là de la dissidence. La préface d'Aragon, qui introduit la traduction française de la plaisanterie en 1968, va jouer un peu le même rôle paradoxal, à la fois de reconnaissance, puisque Aragon intitule sa préface ce roman que je tiens pour une œuvre majeure. Et puis en même temps, être préfacé par Aragon, être présenté par Sartre à la fin des années 60, début des années 70, c'est forcément être ancré dans un imaginaire très occidental de la dissidence en Europe, ce qu'on appelait alors l'Europe de l'Est. Alors je vous propose d'écouter, pour continuer sur la conception du roman, de l'engagement, de la liberté aussi de l'écrivain, d'écouter une anecdote que Milan Kundera a racontée, c'était dans les années 70, à Viviane Forrester. Il y a un petit garçon qui a sa grand-mère. Et de temps en temps, le petit garçon se promène avec sa grand-mère, qui est aveugle, c'est très important. Sa grand-mère est aveugle, il se promène sur les rues, sur les rues de la ville, et le petit garçon dit à grand-mère, « Attention, une souche !» Hop ! Et la grand-mère saute. Et de nouveau, il dit, « Attention, grand-mère, une souche !» Hop, et la grand-mère saute. Et les gens qui voient ça disent à ce garçon, méchant garçon, qu'est-ce que tu fais avec ta grand-mère? Et le garçon répond, c'est ma grand-mère à moi, ça ne vous regarde pas. Et c'est pour moi, c'est très stupide. Parabole, c'est mon rapport à mes livres, n'est-ce pas? Ça ne regarde personne. Ce sont mes livres à moi. Mais j'ai peur que cette parabole n'est pas seulement stupide, mais qu'elle est aussi peut-être un peu réactionnaire, individualiste, comme ça. Alors, si vous voulez, je peux la déclarer nulle et non avenue. Des auteurs sur France Culture. Vous la connaissiez, cette archive, je crois, Hélène Batty de la Lande. Et c'est intéressant, puisque, d'une certaine manière, Kundera transpose les grandes questions qu'on attendait de lui ou qu'on croit lire dans ses romans, l'histoire, la liberté, le politique, la résistance, dans cette espèce de figure de la grand-mère qui pourrait être une figure affective, sacrée. Donc le petit garçon qui fait sauter sa grand-mère ferait preuve d'irrespect. Tout se passe comme si finalement Kundera, avec l'esprit de dérision qui le caractérise, voulait suggérer que oui, effectivement, le romancier fait ce qui lui plaît et les grandes valeurs, les grandes attentes qu'on pourrait avoir, défendre la liberté, défendre le peuple, lutter contre les injustices et les drames de l'histoire, finalement, tout cela peut finalement être contourné, détourné par la fantaisie toute puissante du romancier. Et que cette fantaisie toute puissante, finalement, ce serait le visage de la sagesse. Enfin, et la fantaisie dire... d'un petit enfant, du coup, qui fait sauter sa grand-mère au-dessus des souches. Absolument. C'est intéressant, cette idée que c'est quand même un petit enfant qui l'identifie à l'écrivain. C'est-à-dire qu'il y a un côté irresponsable, finalement, dans la manière dont Kundera envisage l'écrivain. Et pourtant, lui, il a un rapport à la responsabilité aussi, quand même très, très puissant, me semble-t-il. Oui, mais cette responsabilité, paradoxalement, elle est dans le refus de l'esprit de sérieux. La responsabilité du romancier, c'est la dérision, c'est le rire, c'est le grotesque, c'est la légèreté. Pour donner un exemple intéressant, Kundera évoque le roman d'Orwell 1984, roman anti-totalitariste, et pourtant, pour Kundera, ce roman-là participe de l'esprit de sérieux d'un certain totalitarisme idéologique. Pourquoi ? Parce que il y a de bonnes intentions dans 1984, c'est ça ? Alors les bonnes intentions, évidemment, on ne peut pas le nier, mais il y a surtout un esprit de système, un verrouillage de la pensée, une sorte de contrainte qui serait imposé au lecteur qui ne peut pas lire autrement. Mmh. Le petit garçon qui fait sauter sa grand-mère, c'est celui qui n'obéit à aucune valeur, qui n'a aucun respect préétabli et qui fait ce qui lui chante et qui offre d'ailleurs à ceux qui l'entourent un spectacle assez incongru et assez intéressant par sa dimension incongrue même. Alors irresponsable, peut-être. Est-ce qu'il faut complètement croire à cette parabole, je n'en suis pas sûre. Non, lui-même précise qu'il n'y croit qu'à moitié, d'une certaine manière. Oui, oui. Mais c'est l'esprit d'humour, l'esprit d'ironie ici qui est le plus important. Mais oui, mais on peut se poser la question tout de même, Hélène Batty de Lalande, dans le contexte qui est le contexte historique dont un certain nombre de gens ont eu à souffrir, même beaucoup au cours du XXe siècle. Comment est-ce que finalement le romancier doit ou non intégrer l'histoire majuscule à sa démarche ? Parce que en l'occurrence, c'est une question qui, je pense, a travaillé Milan Kundera et lui semble répondre que l'histoire, ça ne doit pas compter. Or, il y a quand même des gens qui ont souffert, qui sont des victimes de l'histoire. Comment le romancier doit-il, en l'occurrence, se positionner par rapport à ça ? En tous les cas, comment est-ce que Kundera considère que le romancier doit se positionner ? Alors, l'histoire est évidemment très présente dans son œuvre. Il ne s'agit pas du tout de dire le contraire. Il a souffert de l'histoire de la Tchécoslovaquie, justement. Oui, et il le dit dans les Testaments trahis, tous ces romans exhalent cette horreur de l'histoire. Mais dire l'horreur de l'histoire, ça n'est pas forcément proposer un contre-récit qui serait celui du roman opposé au récit sérieux des historiens, des médias et de certains critiques. Il s'agit au contraire de déplacer la perspective et puis de mettre l'accent sur les destinées individuelles, une série d'instants, des moments de bascule. Sur l'expérience existentielle. Absolument, sur finalement essayer de ressaisir une écriture de la vie, une écriture des vies qui est en prise sur l'histoire. Et c'est dans ce déplacement-là que finalement l'écrivain peut se venger sur l'impersonnalité de l'histoire, cette force hostile cette force inhumaine qui brise des destinées. Alors, Kundera a écrit « Les romans de Céline contiennent un savoir existentiel ». Est-ce que ça signifie que chaque point de vue d'un personnage, quel que soit finalement le parti pris idéologique de son œuvre, contient justement une force et que, à ce titre-là, tous les romans méritent non seulement qu'on les lise, mais aussi qu'on les respecte. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que finalement on est plus dans le roman quand on lit du Céline que quand on lit, je sais pas, du Camus, parce que Camus, c'est un petit peu ce que Kundera n'aime pas vraiment dans l'ordre du roman, j'imagine. Peut-être ces romans qui peuvent éventuellement faire système. Qu'en pensez-vous, Hélène Batty de Lalande? Alors effectivement, Camus, comme Malraux, comme Gide, comme Chateaubriand, font partie de ceux que Kundera considère comme des écrivains et non pas comme des vrais romanciers, ce que Céline lui semble être effectivement. Alors, bon, le cas de Céline est un peu complexe. Vous parliez tout à l'heure de Sartre à propos des mains sales, puisque c'est un peu la même chose, puisque à propos de Sartre, Kundera dit « mais il ne faut pas lire les mains sales comme étant une pièce anticommuniste ». C'est une pièce intéressante puisqu'elle permet de finalement faire sentir la généralité authentique, généreuse d'une situation, d'un personnage, au-delà de l'opposition entre idéalisme et pragmatisme face à l'histoire. Et donc, pour aller plus loin sur cette idée que Chateaubriand, Camus et Malraux, ce sont simplement des écrivains, c'est déjà beaucoup, hein, et pas des romanciers, est-ce que quand même, il n'y a pas un peu de provocation là-dedans, selon vous, de la part de Kundera? Parce que La Peste, c'est quand même un roman, par exemple. La Voix royale, c'est quand même un roman. Ce sont quand même des romans, ce sont de très grands romans, mais ce ne sont pas des romans qui s'inscrivent dans cette grande histoire du roman que Kundera reconstitue et fantasme dans ses essais. Puisque pour Kundera, le rôle du roman, c'est de faire jouer des figures, de faire jouer des personnages, des situations, et non pas d'explorer des valeurs en tant que telles. Et donc, dans cette perspective, eh bien, les œuvres même de Rousseau, de Goethe, jusqu'à Malraux, lui semblent appartenir à une autre histoire qui n'est pas forcément celle que Kundera définit comme étant l'histoire du grand roman, celui qui doit rendre ses comptes à Cervantes et seulement à Cervantes. Merci beaucoup Hélène Batty de Lalande, merci beaucoup à France Bleu Rennes d'avoir rendu possible ce duplex avec vous. Je renvoie sur votre article dans l'ouvrage collectif Désaccord parfait, la réception contradictoire de Milan Kundera, publié en 2009 aux éditions Ellul de l'Université de Grenoble. Tout de suite, c'est la chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Car vous le savez, chaque jeudi, nous proposons à un grand lecteur ou à une grande lectrice de venir parler librement de l'auteur dont il est question dans l'émission et de présenter une actualité littéraire. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, Olivier Barbaran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes poète, essayiste, en plus de votre travail d'inspecteur général de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut ajouter à ces qualificatifs que vous êtes aussi kundérien? Je ne suis pas sûr, en réalité. Non, et je suis embêté de le dire, parce que il s'agit évidemment d'un très grand auteur, un auteur vis-à-vis duquel j'ai une grande dette. J'ai adoré La plaisanterie, Risibles amours, L'insoutenable légèreté de l'être. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ces romans? Ce que j'ai aimé, c'est tout ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire cette capacité à la fois d'inscrire pleinement des existences, de cueillir de la vie, et puis de faire jouer à la vie son rôle de déverrouillage de la bêtise et des discours et de la sottise, de l'emprisonnement dans l'intention. Enfin, je trouve qu'il y a là une vraie force. Mais est-ce que ça suffit une fois qu'on a fait sauter ces verrous-là? Est-ce que le romancier peut s'arrêter là, selon vous? Moi, je pense que quand on ouvre la fenêtre sur la vie, oui, ça suffit toujours. Ce qui m'a heurté, ou en tout cas ce qui m'a empêché d'aller plus avant, c'est l'art du roman, dont je sais que beaucoup le considèrent comme un grand essai. Ajoutons à cela que je me prétends poète, et qu'il est difficile de lire l'art du roman compte tenu de la place qui est dévolue à la poésie, l'assimilation de la poésie au lyrisme, puis finalement par le lyrisme à toutes les tentatives du kitsch, m'ont paru simplifiées. Vous ne vous sentez pas quand même quelqu'un de kitsch, c'est ça qui vous gêne finalement. Ni dans une littérature de la qui serait au service du mot et uniquement du mot, ni dans le sentiment que la poésie verserait nécessairement dans le kitsch, ou en tout cas dans le lyrisme. Qu'est-ce que serait une poésie qui ne serait pas kitsch? J'ai un peu l'impression, si vous voulez, d'une part que dans l'art du roman, un mot n'a pas été prononcé, un nom n'a pas été prononcé, mais c'est celui de Flaubert. Moi, je suis trop flaubertien pour être complètement kundérien, parce que j'ai l'impression que ce que je préfère chez Kundera, c'est ce que l'éducation sentimentale m'a appris. C'est-à-dire que tout lyrisme doit être contredit et contrarié par le sentiment de son imposture et de son durcissement. Mais j'ai l'impression qu'en faisant théorie de sa propre ouverture, Milan Kundera s'enferme dans des catégories qui sont trop rigides pour penser un dosage tonal. Et j'ai l'impression qu'on est tous confrontés, quel que soit le genre qu'on pratique, à cette question du dosage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas renoncer à ce que la vie peut avoir d'emportement, mais il ne faut jamais que ça se durcisse en un système abruti de kitsch, de valeurs et de ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que le poète comme le romancier sont devant cela, et que le poète le fait avec sa voix, et que le romancier a ce privilège ou cette différence de multiplier les voix et donc les points de vue. Ça c'est certain, il y a cette différence-là. Et puis surtout, pourquoi faudrait-il opposer la poésie et la prose d'une certaine manière? Mais comme Sartre le fait aussi, est-ce que ça a vraiment du sens? Oui, et du coup, toutes ces catégories, le kitsch, la mise en équation, dont je pense bien que Kundera lui-même a un regard ironique là-dessus, mais roman égale poésie anti-lyrique, me paraissent justement des catégories trop dures pour penser la subtilité avec laquelle je crois que tous les auteurs doivent se débrouiller, c'est-à-dire comment donner une place aussi à cette dimension de la vie qui peut être de l'ordre de l'enthousiasme, sans que cet enthousiasme ne se transforme effectivement en machine idéologique épouvantable. Donc vous n'êtes pas kundérien, c'est décidé. Donc je suis flaubertien. Vous vouliez également nous parler de la poétesse polonaise Wisława Szymborska, qui est morte à 88 ans en 2012 à Cracovie. Elle était prix Nobel de littérature. Elle a eu le prix Nobel en 1996. Et son ton ironique n'est pas sans rappeler peut-être celui de Milan Kundera, Olivier Barbaro. Oui, il me plaisait tout d'abord de défendre cette poétesse Szymborska, dont l'anthologie De la mort sans exagérer, parue chez Poésie Gallimard, dit assez bien cette tension justement à l'intérieur de la poésie elle-même entre les sujets graves et en même temps cette nécessité de venir inscrire cette même ironie au sein d'un lyrisme. D'autre part, il est intéressant de voir qu'elle est un peu une sœur poétesse, en tout cas, par la destinée dans les pays de l'Est, par le fait d'avoir dû lutter aussi contre l'abrutissement de certains discours idéologiques, d'avoir connu la Pologne. Elle a également été aussi membre du Parti communiste, comme a pu l'être très jeune Milan Kundera. Exactement, de la même manière. Et en 66, elle remet sa carte du parti pour protester contre certaines interdictions. Et donc, elle vit à l'intérieur, elle. Hein, elle n'en sortira pas, mais elle vit à l'intérieur jusqu'à la Pologne de Jaruzelski. Et elle écrit une œuvre qui me semble être justement le témoignage assez juste de ce que la poésie aussi peut être, non pas anti-lyrique, mais d'un lyrisme contrarié, dont j'ai l'impression que les grandes œuvres sont celles qui sont portées par des lyrismes contrariés. On sait que chez Flaubert, par exemple, l'intensité de l'enthousiasme était grande et qu'il fallait en rabattre. Mais s'il n'y a plus l'intensité de l'enthousiasme, je me demande si on ne craint pas un risque de sécheresse à avoir trop peur du kitsch. Vous voulez nous lire, je pense, un oui, quelques simplement, vers de... Simplement quelques vers. Donc, de la mort sans exagérer suffit à dire. Hein, ce sont quelques strophes d'un des derniers poèmes de Madame Szymborska, « Nous pâlir » de 2005. « Pour le Proust, à la librairie, te donne pas de télécommande, pas moyen de zapper pour un match de football ou un jeu où on gagne des Volvo. Nous vivons plus longtemps, mais moins scrupuleusement et en phrases beaucoup plus courtes. » Publié chez Gallimard, également chez Fayard, je crois, pour les éditeurs qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir le prix Nobel 1987, Wisława Szymborska. Merci beaucoup. Merci à vous. Olivier Barbaron, à très bientôt. November the 6th. Like a path in autumn. Scarcely has it been swept clear when it's once more covered with dry leaves. Thank you. Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture, au dernier jour de notre semaine consacrée à Milan Kundera. Nous sommes à présent rejoints par François Taillandier, écrivain, biographe, auteur d'essais. On lui doit notamment les romans de la série qu'il a intitulée La Grande Intrigue, publiée aux éditions Stock. Stock où il avait également publié le roman Anielka, grand prix du roman de l'Académie française en 1999. Il va nous parler de son rapport à Kundera et de ce que l'écrivain franco-tchèque lui a appris dans l'ordre de l'art du roman, et peut-être pour commencer, une certaine discrétion dans les effets de style. Mon ambition est, même si on fait les plus grandes expérimentations dans un roman, le lecteur ne doit pas s'en rendre compte. Il doit lire ce roman comme si c'était un Dumas, comme si c'était un roman le plus facile, le plus léger. Tout ce qui est artistiquement difficile doit être invisible. Parce que si les expérimentations ou les innovations artistiques sont visibles, alors ils sont maladroits. Ils sont ou bien maladroits, ou bien ils sont prétentieux. Alors, je crois toujours que les vraies innovations dans l'art du roman et dans l'art en général doivent être discrètes et doivent être presque invisibles. Bonjour François Taillandier. Bonjour. Bon, j'imagine que c'est presque la base, ce que vient de dire Milan Kundera, cette idée que les expérimentations des romanciers ne doivent pas être trop voyantes. Je pense que ça, vous le saviez, même avant de découvrir Milan Kundera. Non, justement, et c'est lui qui m'a permis d'en prendre conscience. C'est toute mon histoire par rapport à Kundera. J'ai grandi dans une ambiance, je vous parle que pour moi, hein, je sais pas, ça n'engage que moi ce que je vais vous dire. J'ai grandi dans une ambiance où le roman en France, par exemple, était encombré de théoricisme et de recherches formelles. Vous en souffriez complexes, beaucoup. Et Kundera, et d'ailleurs c'est ce qu'il exprime dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Kundera est quelqu'un d'abord qui revient à la narration. Il vous parle de personnages qui habitent à tel endroit, qui ont des problèmes amoureux, politiques, ceci, cela. Ils vous racontent des histoires. C'est risibles amours, la plaisanterie, ce sont des choses toutes simples et agréables à lire. Et je crois qu'il a raison. En même temps, mais ça on va peut-être y venir, c'est quelqu'un qui innove énormément dans l'art du roman, bien sûr. Mais alors quand Olivier Barbarin mais d'abord, cette simplicité, et je crois que c'est vraiment important. Quand Olivier Barbarin disait dans sa chronique à l'instant que finalement l'art du roman c'est ce qu'il aimait le moins, parce que cet essai finalement dénonce le lyrisme du poète, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Ben, je vois bien quelle est le dilemme ou le débat proposé par Olivier Barbarin, je vois très bien. D'autant plus qu'en cachette, j'écris de la poésie. Ah, ouais, mais vous en avez honte. Je ne publie pas ça. Vous faites comme Kundera, mais... parce que quand Kundera écrivait de la poésie, il l'a publié sous pseudonyme. Ouais. Et il n'osait pas dire à ses amis que c'était... Ou non, pardonnez-moi. En fait, il publiait sous le nom de Milan Kundera, mais il disait à ses amis que c'était un homonyme. Oui, enfin bon. Oui, moi aussi, j'écris de la poésie. Et quand je me mêle d'écrire de la poésie, c'est très lyrique. Mm-hmm. C'est d'un lyrisme personnel. Enfin, je rejoins tout à fait. Publiez-le. Ça viendra peut-être. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Pour moi, l'art du roman de Milan Kundera est un livre formidable et fondamental dans mon évolution personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce livre pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu? Je vais pas donner le résumé parce que ça serait un peu absurde, mais en gros, la pensée de Kundera, je crois, par rapport à l'art du roman, c'est de libérer le roman. Voilà. À quelques niveaux qu'on le prenne. Kundera est un homme qui libère le roman. Enfin, c'est ainsi que je l'ai senti et que je l'ai compris dans les années 80. Mmh. Voilà. Libérer le roman, d'abord, de tout ce qui est politique. Il en a été question. C'était très intéressant, d'ailleurs. Kundera, au départ, est accueilli en France comme une sorte de dissident du système totalitaire de l'Est. Et Kundera va lutter pour se dégager de ça, en disant non, moi je fais des romans, je suis pas contestataire ou un dissident de l'Est. Même si c'est vrai que quand on lit la plaisanterie, on peut considérer que oui, c'est une critique. Ça l'est. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Aragon le présente. Aragon, dans cette fameuse préface qu'il donne pour la plaisanterie, Aragon, qui à ce moment-là a quand même très nettement pris ses distances avec le totalitarisme soviétique. Bon, ça, je pense que ça rend un grand service à l'époque à Kundera. Et je pense d'ailleurs que, d'après ce qu'il a pu me dire, il en était très reconnaissant. Mais Kundera va essayer d'effacer cette image. Je ne suis pas un dissident de l'Est. Il faut dire que c'est concomitant aussi son arrivée avec les conséquences du printemps de Prague. Enfin, tout le monde a encore le bien printemps sûr, de Prague sûr, en tête quand il arrive en France. Ça fait partie de son parcours, bien évidemment. Mais Kundera va toujours dire, je crois, je ne suis pas un dissident de l'Est, je suis un romancier européen, parce que ça, c'est un thème qui l'intéresse beaucoup. Il libère, je crois qu'il en a été question tout à l'heure, il libère le roman de toute idée d'engagement, tous ces débats qu'il y a en France à travers Sartre, etc. etc. Kundera, encore une fois, et j'aime ça, se plaît à raconter l'histoire de quelqu'un. Voilà, Risibles amours, c'est quoi? C'est des histoires d'amoureux, d'amants, ça marche pas. À travers ça, il découvre beaucoup de choses, l'engagement là-dedans. Alors évidemment, La plaisanterie, par exemple, est un ouvrage extrêmement critique, qui apparaît comme une œuvre d'opposition à ce qu'était alors le pouvoir en Tchécoslovaquie. Et puis d'ailleurs, certains autres romans de Kundera se montrent très critiques vis-à-vis de notre société. C'est-à-dire, d'ailleurs, je pense que ça lui a valu des inimitiés, ça. Il ne trouvait pas que notre Occident libéral soit non plus le paradis. Peut-être qu'au départ, il était davantage heureux. Au départ, c'était puis, c'est pour au lui, fur et j'imagine, à mesure qu'il a déchanté. De pouvoir vivre libre, d'avoir travaillé, d'être tranquille, bien évidemment. Mais quand on s'aperçoit que Kundera est très critique vis-à-vis de notre modernité occidentale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens que ça a fait grincer des dents. Qui ça, par exemple? Vous avez l'impression que finalement, en France, il n'a pas été accepté comme il l'aurait Comment dû. Ça? Il n'est pas en extase devant les beautés du système capitaliste libéral mondialisé? Ben non, Kundera est un homme qui a beaucoup d'esprit critique. Mais en même temps, il n'écrit pas des romans pour ça. Et c'est ça, sa qualité, ça, pour moi, sa valeur fondamentale. Kundera écrit des romans dans l'humain. Alors l'humain, il dépend de la métaphysique, il dépend de la politique, il dépend de l'historique, il dépend du psychologique, il dépend de l'existentiel, il dépend de toutes sortes de choses. Et Kundera reste là. Voilà. Alors, il y a cette idée que, pour revenir à la théorie littéraire, Fielding écrit des histoires, Flaubert décrit ses histoires et Musil pense des histoires, c'est ce que dit Kundera, en se plaçant plutôt, lui, du côté de Musil. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous parle et qui vous plaît, ce roman qui pense en même temps, comme L'insoutenable légèreté de l'aide, par exemple, où à la fois on vous démontre quelque chose par, finalement, l'action des personnages, tout en vous l'expliquant à un niveau qui est davantage philosophique? Alors, là, je vais d'ailleurs contredire ce que j'ai dit à l'instant, c'est-à-dire que moi, ce que m'a apporté Kundera aussi, enfin, entre autres, mais notamment lui, c'est l'idée que la littérature et le roman, c'est de la pensée. Et Kundera ne se gêne pas. Il y a une part essayistique, comme on dit, dans son œuvre. Alors, on pourrait citer des tas d'exemples, mais subitement, Kundera interrompt sa narration, son histoire, et puis se met à vous parler, par exemple, de la signification du mot nostalgie dans différentes langues européennes. Voilà. Ça vous a donné envie de le faire aussi, vous, dans vos romans? Alors oui, je me suis aperçu que le roman, ça pouvait être aussi de la pensée. Alors, encore une fois, je disais tout à l'heure, il a le mérite de faire de la narration, c'est-à-dire qu'il parle de gens qui existent comme ça, enfin, ou qu'il imagine, et en même temps, il ne se gêne pas pour introduire des parties essayistiques. Je me rappelle avoir été sidéré en lisant le livre du rire et de l'oubli, je crois, oui, c'est celui-là, où subitement il interrompt tout et où on parle de l'arrivée du merle dans les villes. Le merle colonise les villes à telle époque, je ne sais plus les détails. Je me dis, mais il fait ça. C'est aller à saut et à gambade, c'est l'art de la conversation avec le lecteur, peut-être. Absolument, c'est comme ça. D'ailleurs, pour ça, je pense aussi qu'il s'intéresse tant à Diderot et à ses dialogues, Jacques le Fataliste, etc. Donc ça aussi, c'est une liberté du roman. Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec François Taillandier pour parler de Milan Kundera au terme des quatre émissions que nous lui avons consacrées cette semaine. C'est pas un peu intimidant quand même cet héritage, parce que vous nous avez raconté ce que Kundera avait un peu débloqué finalement, oui. Ce que vous avez permis dans l'art du roman quand vous avez lu l'art du roman au début des années 80. Mais cet héritage qui est l'héritage de Cervantes, il est peut-être aussi un petit peu imposant d'une manière différente. Qu'en pensez-vous ? Je dirais que ça dépend ce qu'on en fait. Parce que, non, imposant, je ne crois pas, parce que je ne prétends pas avoir la dimension de romancier que peut avoir Milan Kundera. Certainement pas. Mais il a pour moi dessiné un espace de liberté et de créativité. Vous avez cité, je crois, au début, deux de mes romans, Agnelka, donc La Grande Intrigue, qui fait cinq volumes, ça ne serait pas ce que c'est, ça n'aurait pas pu être ce que c'est. Il y a eu un moment où Milan Kundera m'a fait comprendre certaines choses que je pouvais faire. Mm-hmm. Voilà. Donc, si vous voulez, non, je pense pas que ça soit intimidant. Après, quelle place prend-on dans cet immense héritage décrié de Cervantes, suivant son expression, la place qu'on prend, c'est anecdotique. Hein, je ne sais pas ce qu'elle peut être. Mm. Alors, vous pointez un certain nombre de nuances que finalement Kundera a réussi à apporter. Par exemple, vous dites que Kundera ouvre au roman un espace de réflexion qui n'est pas théoricien. Vous dites que il ouvre un espace politique qui n'est pas celui de l'engagement. Et c'est ça qui est assez intéressant et aussi difficile à comprendre, c'est que la politique n'est pas absente de ses livres, la réflexion est très présente, l'histoire est toujours là, et en même temps, dans des nuances qui sont un petit peu difficiles à attraper, comme ça, François Taillandier. Eh bien, c'est pour ça qu'il est intéressant de le lire, justement, parce qu'il nous amène, en effet, dans un nuancier. Il faut le lire, tout simplement. Je vais vous prendre juste un exemple, je crois que c'est dans L'ignorance, il me semble. Vous avez une personne, une jeune femme qui est exilée. Mm-hmm. Exilée, venue donc de la Tchécoslovaquie communiste, etc., etc. Voilà. Et qui rencontre d'autres exilés qui ont fait une sorte de petite association, je ne sais pas quoi. Et bien, elle n'a pas envie. Alors, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Excusez-moi, j'ai un peu oublié les détails. Mais l'exil va prendre une valeur, en quelque sorte, réversible. Oui, l'exil est une douleur. Alors, ces gens se retrouvent là, en France, à Paris, parce qu'entre exilés... Bon, mais l'exil est aussi une libération. Mm-hmm. Voilà. La même, c'est magnifique, à la nostalgie tout est dans tout, de alors. Sa ville natale. Et là, Kundera réfléchit longuement sur cette notion de nostalgie. Puis un jour, elle voit une maison qu'on est en train de démolir en Île-de-France, je ne sais pas où, et elle pleure. Alors que c'est pas son pays, c'est pas sa maison, c'est pas son passé, c'est pas sa famille. Mais elle comprend. Donc rien n'est équivoque, c'est ça. Tout est équivoque et rien ne peut s'expliquer nous amène dans trop l'ambiguïté. Simplement. L'exil qui peut être, oui, une souffrance, qui peut être aussi une libération. Et puis, je veux pas qu'on me dise toute ma vie, ah mon pauvre vieux, vous êtes un exilé. Voilà, je crois que c'est ça. Il y a une idée de la légèreté, d'ailleurs, ça figure dans le titre d'un de ses livres, une idée de la légèreté. L'amour peut être profond, et l'amour peut être sensuel et léger, etc. Et voilà, Kundera nous amène dans cette liberté existentielle. Mais ça, je peux pas vous l'expliquer. Il suffit de lire La Lenteur ou n'importe. Mais c'est une expérience. De ces livres. Vous avez ce grand roman politique qu'est La Plaisanterie. Ça commence par quoi? Ça commence par une mauvaise blague que le jeune héros fait à une petite amie parce qu'il est furieux contre elle. Je sais pas quoi. Il lui envoie une carte. Ben oui, parce qu'elle lui répond conneries, plus. Alors, c'est pas agréable. Et sa vie va être bouleversée. Donc. Il est aussi dans la légèreté, d'une certaine façon. Mmh. Et d'ailleurs, quand il reviendra avec l'intention de se venger, au fond, sa vengeance, c'est pas le comte de Monte Cristo, quoi. Mmh. Hein. Alors, vous parlez de l'exil, des exilés, François Taillandier. C'est peut-être le moment de dire un mot sur la conception de l'Europe, selon Milan Kundera. Vous avez le sentiment que, dans ses livres, et peut-être aussi dans l'art du roman d'ailleurs, puisqu'il parle des romanciers européens, il parle presque toujours en creux de l'Europe, que l'une de ses problématiques, c'est justement cette aire géographique-là. Oui, oui, oui. Bah, il a dit, je crois, une parole fondamentale. Il dit « Européen, de point, celui qui a la nostalgie de l'Europe ». C'est-à-dire que Kundera, ça veut dire crois, quoi refuse d'abord, à l'époque, qu'on continue à parler sans arrêt de l'Europe de l'Est. Il n'y a pas d'Europe de l'Est, même s'il y a un système communiste qui en occupe une partie, il y a l'Europe. L'Europe, ben c'est quoi? L'Europe, c'est Turin, c'est Trieste, c'est Cracovie, c'est Pétersbourg, et c'est avec ça une civilisation. Et notamment, puisqu'on est dans la littérature, c'est Goethe, c'est Dostoïevski, Lermontov, que sais-je. Mm. Donc je crois que Kundera a eu le grand mérite, à cette époque-là, c'était avant la chute du mur de Berlin, de dire attention, arrêtez avec l'Europe de l'Est, il y a l'Europe. Quand on est à Prague, on est autant en Europe qu'à Paris. Et la littérature américaine, c'est une littérature européenne aussi? Après, bon, bah, y a ce dialogue des littératures qui fait que le roman est né en Europe, plus ou moins, mais que, bien mais évidemment, il s'est développé sur tous les continents. D'ailleurs, Kundera a toujours eu des rapports et s'est beaucoup intéressé à la littérature américaine, à la littérature d'Afrique, des Antilles, etc. Oui. etc. Alors, il écrit tout de même « L'Europe a regardé l'histoire drôle de sa propre existence pendant un temps si long qu'au XXe siècle, l'épopée gaie de Rabelais s'est muée en comédie désespérée de Ionesco qui dit « Il y a peu de choses qui séparent l'horrible du comique, l'histoire européenne du rire touche à sa fin ». Donc c'est ça, la nostalgie de l'Europe, c'est aussi oui. l'impression oui, que oui, oui. la littérature oui. et la modernité, parce que peut-être que c'est un anti-moderne, hein, il faut peut-être prononcer le mot, la modernité à la fois en littérature et puis aussi dans la société de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ne lui convient pas. Je pense que il fait partie des gens qui ont vu ou qui voient les prémices de quelque chose oui, qui ne sera plus ce que la grande civilisation européenne a pu porter de liberté. De liberté, c'est-à-dire du rire. De l'oubli, d'ailleurs, enfin, des choses comme ça. C'est en ça qu'il est proche de Philippe Ross, par exemple Peut-être, oui, peut-être. Oui. Enfin, bon, je ne pourrais pas pousser la comparaison bien loin, mais enfin, sans doute. Kundera voit naître une Europe qui est prise dans la bureaucratie, mais je pense que ça n'intéresse pas beaucoup. Une Europe où la morale nous est faite à travers la publicité, ou à travers le kitsch, des images qui sont censées être les bonnes choses qu'il faut bien penser, etc. Je pense que Kundera est quelqu'un qui réagit à cela. Mmh. Hein. Alors en effet, son idée de l'Europe, elle est peut-être très idéalisée et très fantasmée d'ailleurs, hein, mais son idée de l'Europe, c'est une idée d'une civilisation de liberté de penser, de liberté de rire, de liberté de créer. Et qui n'est pas l'espace du tourisme, alors, parce que ça, c'est pas quelque chose du tourisme, parce que voilà, qu'il exècre. N'en parlons pas, même pas. Mm. Hein, voilà. L'Europe, c'est Kafka, c'est Rabelais, c'est Diderot. Si on peut dire qu'il y a une Europe, c'est à travers des gens comme ça. Voilà. Je crois que c'est ça la grande leçon de Milan Kundera. Bon, alors, on va vous demander une dernière chose, puisqu'on arrive exactement à la toute fin de cette série. Dans l'ordre, pour les auditeurs qui n'auraient pas lu Milan Kundera, par quoi faut-il commencer, selon vous, François Taillandier? Je crois qu'il faut commencer par le commencement et aller jusqu'à l'autre bout. Donc, Risibles Amours, La Plaisanterie. Le livre du rire et de l'oubli, L'insoutenable légèreté. Puis peut-être des choses un peu moins connues, comme L'ignorance, par exemple, qui est un très très beau roman. C'est pas, je pense, une des œuvres les plus connues de Kundera. Est-ce que parmi les cycles, les divers cycles de Kundera, il y en a un que vous préférez, le cycle plutôt français, écrit en français, ou alors au contraire, le cycle plutôt tchèque? Non, moi j'aime tout. Ce que je trouve, c'est, il faut quand même le signaler, c'est l'extraordinaire travail d'un homme comme Kundera, qui a réussi à devenir écrivain dans une autre langue que la sienne. Mmh. Et ça, c'est pas souvent. Merci beaucoup, François Taillandier. Je rappelle que vous aussi, vous avez participé à ce collectif Désaccord parfait, la réception paradoxale de l'œuvre de Milan Kundera, publiée en 2009 aux éditions Elug. Et puis je signale que vous allez faire paraître à la rentrée un livre sur votre enfance, intitulé François Roman. Vous avez aussi publié il y a peu aux éditions de l'Observatoire un livre sur Edmond Rostand, dont on célèbre cette année 2018, le centenaire de sa mort. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Alice Seyed. Demain, c'est la Compagnie des Poètes que vous retrouverez avec Manou Farine. Et puis nous, on se dit à lundi pour une semaine sur la littérature d'espionnage. On commencera par parler de John le Carré. Mais tout de suite, c'est la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour. À quoi servent les artistes dans ce monde qui préfère les chiffres aux lettres et dont la folie des chiffres menace de nous faire chavirer dans le chaos? Yvon Le Maine. Que celui qui n'a besoin ni de chansons, ni d'images, ni de poèmes, ni de romans, ni de films, ni de pièces de théâtre, ni de musique, pour que se dise sa vie quand il ne sait plus la dire, pour que s'écoule son chagrin quand il ne sait plus pleurer, que celui-là tranche la gorge aux oiseaux. Que celui qui n'a pas besoin d'artiste retienne ses larmes à jamais et brise par avance ses éclats de rire. Extrait de « À quoi sert un artiste ?» Yvon Le Maine, ses phrases courtes, découpées comme série de vagues, comme une volonté de réordonner un peu le monde à la ligne et rendre visible l'insistance sans insister à la ligne, comme un rappel de l'efficacité nominative de la poésie. Espace à la ligne, retenir, tenir. Une écriture avec interruption comme pour dévier le cours et vider la crue, une écriture retenue et pourtant sans rétention. Un cri fendu en mille. C'est un voyage. Par exemple, sur le plateau tibétain, à la page 115, en route vers le lac de la mer Bleue. Grâce à la lenteur du car, j'ai vu, sur le bord de la côte, une tranche de pastèque, avec, encore, des traces de dents au cœur du fruit. J'ai vu, au loin de l'herbe, disparaître un mulot, par un trou, clair, comme une lucarne, percé dans le paysage qui recouvre ce monde comme un toit. Ou au bord du fleuve jaune, page 123. Toute cette eau que le Tibet donne à la Chine, qu'un petit donne à un grand, qu'un chiffre donne à un nombre, toute cette eau que les Chinois, dont le poète Li Ziyi, prennent aux Tibétains depuis longtemps, depuis presque toujours. Li Ziyi écrivit il y a longtemps, il y a 1000 ans, peut-être en un instant, en deux instants. J'habite à la source du Yangtze, toi à son embouchure, et pourtant chaque jour nous buvons la même eau. Quand le Tibet était le Tibet, et la Chine bien sûr la Chine, on dit que tous les enfants chinois connaissent ce poème, sans doute devraient-ils l'apprendre à leurs parents qui ont oublié de remercier ceux qui partagent leurs richesses dites naturelles. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de textes du poète Yvon Le Maine.